Haché y a fait grand temps. Pas songer si t'es con surveillance. Bureau d'information, pas jamais manqué tu es attention. Yo pirate passé assis, avant yo go mettre infanticide. Rele yo mauvais jet, si yo pas corrigé. Rele yo mauvais jet, si yo pas corrigé. Ça dit ou rien, ça m'a exemple un danger. Ou à croiser à monter la Saint-Aban, yo comprends son étape, ou y a l'entrée manger. Yo comprends son étape, ou y a l'entrée manger. Blah, blah, blah. lave san pa lave pase de son akademi. Se metil, se metil men, sa ou ya. Kifi a lave san pa lave pase de son akademi. Maman kalil, papal kalil, se toujou de men. Kifi a lave san pa lave pase de son akademi. Chien kabi diyo manje ze, se ze pou manje. Sans peine pour le bail maman.